bois contient belle langagère. Florentine vénitienne, assez pour être messagère, et mêmement les anciennes. Mais sois lombarde romaine, genevoise à mes périls, pimontoise savoisienne, il n'est bon bec que de Paris. De beau parler tienne chaillère, ce dicton les napolitaines, et sont très bonnes caquetières, allemandes et prussiennes, soit grecques, égyptiennes, de Hongrie ou d'autres pays, espagnoles ou catalanes, il n'est bon bec que de Paris. Brette, Suisse, n'y savent guère, Gasconne, Nancy, Toulousaine, de petits ponts, deux arrangères, les Conclurons et les Lorraines, angloises et calaisiennes, ai-je beaucoup de lieux compris, Picarde de Valenciennes, il n'est bon bec que de Paris. Prince, aux dames parisiennes, de bien parler donne le prix, quoi que l'on dit d'italienne, il n'est bon bec que de Paris.